Bonne année, bonne santé, messieurs, dames. Voilà le nouvel an, tout neuf. Solide comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver. Bonne année, bonne santé, messieurs, dames. Si ces mots-là vous viennent du cœur, ils porteront bonheur. C'est pourquoi faut toujours les dire avec un peu d'amour. Je connais des Jules et leur rombière qui jouent les ducs et les barons et qui se coiffent à coups de soupière dès qu'ils discutent à la maison. Ils font entendre le vocabulaire crevard, fouilleux, fesse de merlot. Ils gueulent comme ça l'année entière, mais ils se murmurent au jour de l'an. Bonne année, bonne santé, chère âme. Ma coccinelle, mon gros poupou, mon minet, mon loulou, jure-moi que sans mon amour, tu ne pourrais pas vivre un jour. Bonne année, bonne santé, mais le drame, c'est que pendant tous les jours suivants, jusqu'à l'autre jour de l'an, ils se redisent tendrement, tordus, punaises et peaux d'aran. Dans tous les coins de la planète, il y a toujours la joie des parents, que les gosses pieds nus et en liquette viennent t'embrasser au jour de l'an. Et si la vie a peu de sourires, on la supporte allègrement, tant que l'on peut s'entendre dire bonne année, papa et maman. Bonne année, bonne santé, monsieur, dame. Voilà le nouvel an, tout neuf. Solide comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver. Bonne année, bonne année, bonne santé, monsieur, dame. Et souhaitons que dans 100 ans, on puisse comme à présent se redire de tout cœur tous nos meilleurs vœux de bonheur.